Les bleuets fortins du 555 Deakin secteur Mistassini font partie du paysage depuis quelques générations. En cette période de l'année, le bleuet, emblématique de la région, est synonyme de fête. Bleuet fortin du secteur de Mistassini est générateur d'emplois chez nous. Une entreprise qui est la couleur même de la place. Le bleuet fait partie de la tradition et par ricochet, bleuet fortin aussi. Bleuet fortin du secteur de Mistassini vous invite à participer en grand nombre au Festival du Bleuet qui se déroule en fin de semaine à Dolbeau, Mistassini. L'école de hockey de Yannick Jean est actuellement à Saint-Félicien. C'est la première année en 18 ans que l'école de hockey Yannick Jean se déroule au centre créatif Marianne Saint-Gelin. En entrevue sur les ondes de tenazosport.com hier, il a mentionné quand même que le fait que ça a déménagé, ben, ça n'a pas nuit au bon fonctionnement de cette école. On va écouter là-dessus Yannick Jean. Bon an, mal an, là, c'est à peu près le même nombre d'inscriptions. Puis, nous, on fait ça pour donner un service aux jeunes, pour le développement des jeunes du coin. Donc, non, ça ne fait pas vraiment là, de grosses différences. OK. Sur quoi vous travaillez? Et dans ce deuxième temps, ben, Yannick Jean explique sur quoi il travaille avec les jeunes. C'est pas nécessairement, OK, techniquement ou quoi que ce soit, faire telle affaire. On veut donner du bagage, de la motricité à nos jeunes. Ils ont grandi en espérant qu'ils aient grandi durant l'été. Il faut qu'ils reprennent possession de leur corps. Il faut qu'ils soient capables de maîtriser leurs mouvements, maîtriser leurs mouvements de patinage, de maniement de rondelles. Donc, je pense que ça les aide beaucoup pour le début de saison. Dans un dernier temps, Yannick Jean mentionne que du côté des Saguenayens, l'objectif, c'est pas nécessairement de monter au classement, mais que chaque joueur s'améliore de façon individuelle. Les Bleuets Fortins du 555 Deakin secteur Mistassini font partie du paysage depuis quelques générations. En cette période de l'année, le bleuet, emblématique de la région, est synonyme de fête. Bleuet Fortin du secteur de Mistassini est générateur d'emplois chez nous. Une entreprise qui est la couleur même de la place. Le bleuet fait partie de la tradition et par ricochet, Bleuet Fortin aussi. Bleuet Fortin du secteur de Mistassini vous invite à participer en grand nombre au Festival du Bleuet qui se déroule en fin de semaine à Dolbeau, Mistassini. Parlons de soccer, il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues. D'abord, à noter que du côté de le Senior Féminin Division 2, victoire du FC de Saint-Félicien 5-2 sur Chipcha. Également, dans les autres matchs du côté de la Polyvalente Jean Delbeau, victoire du Chinook 7-0 sur l'équipe de Jean Delbeau. Et du côté de Saint-Prime hier, victoire de l'attaque de Saint-Prime 2-0 sur Matabetchouan. Les Voyageurs de Jonquière vont tenter de prendre les devants 2-1 dans la série qui les oppose aux Aigles de Trois-Rivières. Le match aura lieu à Trois-Rivières ce soir. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Yannick Jean. On s'est rendu à Saint-Félicien pour parler de l'école de hockey de Yannick Jean. Et Patrick Tropiano vient nous parler de l'association de soccer de Dolbeau-Mistassini. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.